السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Donc bienvenue à tous. حياكم الله. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons faire l'explication de la parabole qui se trouve dans le verset 175 à 177 de Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée de ce verset: raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que Satan le rattrapa, et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions, comparable au chien qui allait, que tu le poursuives ou le laisses en paix. Tel est l'exemple de ceux qui démentent nos signes. Raconte-leur donc les récits des peuples précédents, afin qu'ils réfléchissent. Dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à propos d'une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science. Mais cette personne a délaissé la mise en pratique de cette science. Et certains, parmi nos pieux prédécesseurs, étaient d'avis qu'il s'agissait de Bal'am ibn Ba'oura. Et ceci est l'avis d'Ibn Abbas, de Ikrima et de Mujahid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et Malik ibn Dinar, il a dit à propos de cet homme qu'il faisait partie des savants des fils d'Israël. Et ses invocations étaient exaucées et qu'il était mis en avant dans les difficultés. Et que le prophète Moussa alayhi salam l'envoya à Médian pour appeler donc le roi de Médian à l'islam. Et que ce roi lui donna de nombreux biens et de nombreux présents jusqu'à ce qu'il finisse par délaisser la religion de Moussa et suivre le roi de Médian dans sa religion. Fin de citation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parabole, il dit, selon la traduction rapprochée: raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qu'il s'en dépouilla. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais qu'il s'en dépouilla, ceci, car il n'a pas mis en pratique sa science. Il n'a pas mis en pratique la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et il a délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, si bien que Satan le rattrapa. Ceci, car lorsqu'il s'est détourné du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas mis sa science en pratique, il a été dépourvu de sa clairvoyance. Car celui qui apprend la religion, puis la met en pratique, il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable n'aura que très peu d'influence sur lui. Au contraire de celui qui va se détourner de la religion et ne va pas mettre en pratique sa science. Il est beaucoup plus exposé et il est très simple pour le shaitan de le pousser vers les péchés et vers la désobéissance. C'est pour cela que le shaitan n'aime pas voir le musulman étudier sa religion et essaye de l'en dissuader par tous les moyens. Car en vérité, le musulman, s'il étudie et il met en pratique sa religion, alors le shaitan n'aura plus une grande influence donc sur ce musulman. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, « Et il fut ainsi du nombre des égarés. » Donc, c'est-à-dire après avoir été sur la droiture, après avoir été sur le droit chemin, il a été parmi les nombres des égarés. Il fut donc ainsi du nombre des égarés. Et tel est le résultat pour celui qui se détourne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne met pas en pratique sa science. Et c'est certes à Allah subhanahu wa ta'ala à qui nous demandons le secours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, « Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes. » C'est-à-dire en lui facilitant la mise en pratique de sa science. Subhanallah. Et ceci nous montre que la science est une cause d'élévation. Donc cet endroit-là de ce verset nous montre que la science est une cause d'élévation. Mais Allah élèvera la personne à qui il a donné la science que lorsqu'elle mettra sa science en pratique. Car cette personne-là, malgré sa science, Allah ne l'a pas élevée. Car l'élévation passe par la mise en pratique de la science. Donc celui qui veut avoir un rang élevé, alors qu'il mette sa science en pratique. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, selon la traduction rapprochée, « Mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions. » C'est-à-dire que cette personne a préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Il a préféré les plaisirs mondains et a préféré suivre ses passions. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, comparable au chien qui allait que tu le poursuives ou le laisses en paix. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, le chien, il va allaiter. Et ici, allaiter, ça veut dire respirer fort en ayant sa langue sortie, comme les chiens, ils ont l'habitude de faire. Donc le chien, si tu le poursuis, il va respirer fort et il va sortir sa langue. Pareil si tu le laisses tranquille. Donc dans les deux cas de figure, c'est la même chose. Que tu le poursuives ou que tu le laisses tranquille, Dans tous les cas, il va respirer fort et sortir sa langue. Tout comme celui qui a délaissé la mise en pratique de la science et qui a préféré la vie d'ici-bas à l'au-delà. Que tu lui fasses le rappel ou pas, il ne changera pas. Il sera toujours dans la même situation. Il sera toujours dans le même état. Que tu lui rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui récites les versets d'Allah, d'accord, que tu sois dur ou que tu sois doux, dans tous les cas, il ne changera pas. Il sera toujours dans la même situation. Car courir pour obtenir ce bas monde est devenu naturel pour lui. Cette chose-là, elle est devenue naturelle pour lui, tout comme le chien qui allait naturellement. Donc tout comme le chien qui respire fort et qui sort sa langue. Donc lorsque cette personne-là, elle a préféré ce bas monde à la guider, il a été rabaissé au plus bas des rangs. Et il a été comparé à l'un des pires des animaux, qui est le chien. Et ici, on remarque que pour nous montrer à quel point cette action elle est mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est comparable à un chien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il ne l'a pas comparé à un autre animal tel que, par exemple, le lion qui montre la force ou le cheval qui montre la rapidité, etc. Mais plutôt, il l'a comparé à un animal qui est connu pour être vil. Qui est connu pour être vil. Donc après avoir fait l'explication de cette parabole, nous allons mentionner les enseignements qu'on tire de celle-ci. Donc le premier enseignement, c'est la dangerosité de ne pas mettre sa science en pratique. Car lorsque cette personne a délaissé la mise en pratique de sa science, cette personne s'est égarée. Le deuxième enseignement qu'on tire de cette parabole, l'importance d'apprendre la religion et de la mettre en pratique. Car celui qui apprend sa religion et la met en pratique, il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable n'aura presque pas d'impact sur lui. C'est pour cela que, comme on l'a dit précédemment, lorsque le serviteur il veut apprendre sa religion et fait des efforts dans cela, le diable fait tout pour l'en dissuader. Car s'il persiste dans cela, il ne pourra plus faire ce qu'il veut de cette personne. Et l'importance d'apprendre la religion et de la mettre en pratique est une chose très importante. Et ce message s'adresse à tous les musulmans, et plus particulièrement à nos frères et sœurs qui sont touchés par un mal occulte. Il faut à tout prix faire des efforts dans l'apprentissage de la religion. Et il faut à tout prix faire des efforts dans la mise en pratique, car ceci est une cause pour être moins vulnérable. Et parmi les sciences, Inch'Allah ta'ala, qui vont aider, d'accord, à surmonter cette épreuve, parmi les sciences qui vont aider à surmonter cette épreuve, la science du tawhid. La science du tawhid. Car celui en vérité qui apprend le tawhid, ceci va le pousser à mettre en pratique le tawhid. Et fait partie du tawhid, fait partie de l'unicité, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie du tawhid, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie du tawhid, la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fait partie aussi du tawhid, revenir à lui dans toutes ses affaires. Et tout ceci, Inch'Allah ta'ala, va renforcer la personne qui est touchée par un mal occulte, et ce sera pour lui un rempart face à cette maladie, Inch'Allahu Ta'ala. Car si ce n'est pas le cas, cette personne risque de faiblir. Cette personne risque de faiblir. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Le troisième enseignement qu'on tire de cette parabole, seule la science ne suffit pas pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève une personne. Mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui mettent leur science en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 de Sourate Al-Mujadila, c'est-à-dire Sourate la discussion, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée, Allah élève en degré ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Et ceux qui ont reçu la science. Et l'imam Shawkani, dans son livre intitulé Fath al-Qadir, il nous dit que ceux qui sont visés par ce verset, ce sont ceux qui ont regroupé entre la science et la mise en pratique de leur science. Fin de citation. Et l'homme qui est mentionné dans cette parabole a reçu une science. Mais lorsqu'il ne l'a pas mise en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas élevé. Lorsqu'il a délaissé la mise en pratique de cette science, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans le Coran en nous informant à propos de certaines personnes qui ont reçu une certaine science. Mais ce n'est pas pour autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ces personnes-là. Prenons par exemple l'exemple de la personne qu'on appelle Qarun. Donc en français on dit Corée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 76 de Sourate Al-Qasas, le récit nous dit « Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabara alayhim » Il nous dit Qarun, selon la traduction rapprochée, donc Corée appartenait au peuple de Moussa, mais il transgressa à leur endroit. Et l'imam al-Barawi, il nous dit dans le tefsir de ce verset que Qarun, il apprenait la Torah. Donc en plus de faire partie du peuple de Moussa alayhi salam, il apprenait la Torah. Donc malgré cette science, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas élevé Qarun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Qarun dans le verset 81 de la même sourate, donc sourate Al-Qasas, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, nous fîmes engloutir par la terre Corée et sa demeure. Aucun allié ne put le secourir contre Allah et il ne put se secourir lui-même. Donc malgré que Qarun, il apprenait la Torah, c'est pas pour autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Et ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève la personne lorsqu'elle met en pratique sa religion. Le quatrième enseignement qu'on peut tirer de cette parabole, c'est la dangerosité de préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà. Car l'une des causes que cet homme n'a pas mis sa science en pratique, et qu'il a préféré la vie d'ici-bas. Et celui qui préfère la vie d'ici-bas à l'au-delà, ça va le faire tomber forcément dans les péchés et dans la transgression. Et les péchés et la transgression mènent en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le verset 34 de sourate An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Fa'idha ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkaru l'insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa'amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Il dit selon la traduction rapprochée, lorsque surviendra la calamité qui submergera tout, le jour où l'homme se rappellera tout ce qu'il a accompli ici-bas et où la fournaise sera donnée à voir à tous, quiconque transgressait et préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà, la fournaise sera sa destination finale. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini l'explication de cette parabole. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit profitable et qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on a écoutez lors de l'explication de cette parabole. Donc inshallah ta'ala, le prochain rendez-vous c'est demain et bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, on expliquera 2-3 paraboles bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an wa bihi tuklan subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.